est posé sur la street. Un jour où ces choses faites, les jaloux vont aller se faire foutre. Moi je suis un hooligan sur un terrain de foot. Quoi que vous dites, je m'en bats les steaks. Jeune fume ton stick et étouffe-toi avec. On veut des sous comme tous les mecs de Tessie. Toi aussi t'es sous souci, mais tu fais pas la poussie. Wall et ouais, c'est pour mes hauts et mes putains d'all stars qui sont toujours prêts à fuck les inspecteurs qui veillent sur le secteur, qui se méfient du facteur, qui jouent pas les acteurs, baissent des détracteurs. Marouane Street, donc je vous anti-bambo. La rue c'est pas bambine, ne faut pas faire la bimbo. Malgré les coups, on tient tout, on vise la coupe. Marouane ça découpe, alors ne viens pas en découdre. La street dangereuse, mon pote elle sent la poudre. Daïrouane c'est flow free qui annonce la foudre. Street dangereuse, c'est l'état Marouane. Philosophic sound, c'est king de l'underground. King de l'underground, king de l'underground. King de l'underground, king de l'underground. Street dangereuse, c'est l'état Marouane. Philosophic sound, c'est que le premier round là. Que le premier round, que le premier round. Street dangereuse, c'est que le premier round. Une feuille, un stylo et plaque que je griffonne. Sur la situation de ma race, c'est votre idée qui me chiffonne. Et ouais copain, je l'ai déjà dit, on est mal barré. Comme un cancéreux qui fume par jour 4 paquets de Marlboro. J'habille les magistrats du barreau, qui ne sont que les bourreaux de mes frères qui se trouvent derrière les barreaux. Ce ne sont que des mots, chacun d'entre eux va toucher sa cible. Catalogue est insociable, le racisme n'est pas ineffable. Je lis pas la Bible, des visages et quand je laisse ta barbe. Ils souhaiteraient que tous les musulmans soient imberbes. Mais Sarko, que penses-tu de Sébastien Chabal ou de Madonna qui part en campagne depuis pour la cabale? Paris c'est pas Kaboul, la France est reconnue dans le monde grâce à un Kabyle. Au micro moi je reste habile, alors emballe tes promesses et tes beaux discours. Ici mon pote c'est... Street dangereux, c'est l'état Marouane. Philosophic sound, c'est king de l'underground. King de l'underground, king de l'underground. King de l'underground, king de l'underground. Street dangereux, c'est l'état Marouane. Philosophic sound, c'est que le premier round. Que le premier round, que le premier round. Street dangereux, c'est que le premier round. Pour la street dangereux, ma rage a pris dessus. Toujours déçu, mon esprit a rejoint le camp des anges déchus. Trop souvent j'échoue, car j'ai pas fait les bons choix. Heureusement que je peux compter sur la famille et la foi. Je veux être roi avec une reine qui croit en moi. Une reine qui tient les rêves parce que seul j'y arriverai pas. Mais bon, je me laisse pas abattre pour atteindre mes objectifs. Pour qualifier mes ambitions, pour inventer un nouvel adjectif. Je puis mon inspiration dans un puits de pétrole. Je sais à qui aujourd'hui n'est vraiment pas trop. Mais à d'autres car j'ai déjà donné. Stigmatisé comme Dieu donné, mon heure n'a pas sonné. Et je ne suis pas étonné, car hors tendance. Dans le rap actuel, ils travestissent ma musique. Bientôt elle sera homosexuelle, je suis nostalgique. Mélancolique et plus colique. Et si les mots sont un alcool, et ben je serai alcoolique. Street dangereux, c'est l'état Marouane. Philosophic sound, c'est king de l'underground. King de l'underground, king de l'underground. King de l'underground, king de l'underground. Street dangereux, c'est l'état Marouane. Philosophic sound, c'est que le premier round. Que le premier round, que le premier round. Street dangereux, c'est que le premier round.